Il discute avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fut clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient.